بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الثامن بعد المئة 108 درس لسان. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في سؤال السادس واربعين بعد 846 ما هي أعضاء السجود؟ Quels sont les membres de la prosternation sur lesquels on se prosterne؟ قال هي السبعة مذكورة في حديث ابن عباس. Ce sont les sept cités dans le hadith d'Ibn Abbas. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفي واليدين ورجلين والطرف القدمين. Donc en fait, il dit il m'a ordonné de me prosterner sur sept ossements. Il a montré le front et avec le front, il a montré également le nez. Ses deux mains. D'accord. Ses deux jambes qui revient au genou et le bout de ses pieds. Ça fait 7. Mutafaqun alayhi. Que ces 7 parties-là doivent toucher le sol. Ces 7 parties-là doivent toucher le sol. Quand la personne a fait son soujoud, ses mains doivent être bien aplaties, bien ouvertes et bien placées sur le sol. Et le bout de ses pieds également. Et le tout dirigé vers la qibla. ثم قال في السؤال السابع والأربعين بعد 800 847 question. ماذا يخشى على من ركع أو سجد قبل الإمام؟ Qu'est-ce que l'on craint pour celui qui s'est prosterné, ou plutôt qui s'est incliné ou prosterné avant l'imam, c'est-à-dire qui s'est précipité là, devant cet imam. قال يخشى عليه أن يحول الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. On craint pour lui que Allah ne transforme son image à celle qui ne fasse de lui un âne, c'est-à-dire qu'il prenne l'apparence d'un âne, ou que sa tête qu'il lui fasse une tête d'âne. Et le hadith, c'est le dalil. Le dalil, c'est le hadith de Abu Huraira. Quand Rasulullah صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أن إذا رفع رأسه والإمام ساجدون أن يحول الله صورته صورة حمار أو يجعل الله رأسه رأس حمار متفق عليه. Il a dit que entre vous ne craindrez-t-il pas que s'il levait sa tête avant l'imam alors que celui-ci est en prosternation, que Allah ne transforme son apparence à celle d'un âne, ou qu'il ne fasse de sa tête, que Allah ne fasse que sa tête devienne comme la tête d'un âne. Qu'Allah ne fasse que sa tête devienne comme la tête d'un âne. Et le hadith, on le prend selon son apparence, sans chercher à interpréter ou ce genre de choses. La chose, on la tient comme elle est. ثم قال في سؤال الثامن واربعين بعد 800 848 question. متى يكون أقرب ما يكون المؤمن من ربه؟ À quel moment le serviteur est le plus proche de son Seigneur؟ قال وهو ساجد. Au moment de prosterner. Comme dans le hadith d'Abu Huraira. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. Que le moment où le serviteur est le proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné, donc faites beaucoup d'invocations à ce moment-là. Rawahu Muslim. ثم قال في السؤال التاسع واربعين بعد 800 849 question. يقول اذكر بعض ما يقال في السجود. On avait déjà cité auparavant dire certaines choses que l'on dit dans le sujoud. On avait déjà expliqué que parmi les obligations de dire Subhanallah Rabbil A'la 3 fois au moins, d'accord, avec la dalil. On peut dire également, comme dans le hadith de Abu Huraira, que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. Déjà dans le sujoud, oh Allah, pardonne-moi mon péché, tous mes péchés, les petits comme les grands, ou plutôt ceux qui sont discrets ou ceux qui sont apparents, les premiers comme les derniers, ceux qui sont évidents comme ceux qui sont cachés, rapportés par Muslim. Et comme on l'a expliqué il n'y a pas longtemps, dans les douloureux précédents, qu'il est permis au abd qui ne sait pas parler la langue arabe ou qui ne peut pas apprendre un doha en langue arabe, qui peut se dire dans sa langue, même si c'est une langue non arabe. Cela lui est permis. قال في حديث أبي في حديث أنس كذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Que Allah, le Nabi صلى الله عليه وسلم, à fois, disait souvent dans son consternation, oh, c'est toi qui celui qui retourne les cœurs, raferme mon cœur sur ta religion, apporté par Tirmidhi et authentifié par l'Albani. ثم قال في السؤال الخمسين بعد 850e question. ماذا نقول بين السجدتين؟ Qu'est-ce que l'on dit pendant les deux prosternations؟ يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ومن سنيور باردون موا مون سنيور باردون موا كما الحديث الهذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي أبطي بعنا سائي. ثم قال في سؤال 51 بعد 800 850 كيستيون ما هي هيئات الحيوانات التي نهينا عن التشبه بها في الصلاة quelles sont les positions d'animaux qui nous a été interdit justement de auxquels nous a interdit de ressembler lors de la salate. Ils sont le fait de se retourner à la manière du renard. Iltifatun kiltifat al-sa'lab. Iqa'un ka'iqa' al-kalb. De s'accroupir à la manière du chien. Nakrun ka'nakri al-dik. De piquer, c'est-à-dire de faire vite comme l'inclinaison, comme le ferait un coq lorsqu'il picore. Iftirash ka'iftirash al-sabu'. Le fait de s'étaler comme le ferait un fauve. Et les adillah de cela, c'est le hadith d'Abu Huraira. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit trois choses عن نقرة كالنقرة الديك c'est-à-dire de s'incliner comme picore le coq وإقعاء كإقعاء الكلب et de s'accroupir à la manière du chien والتفات كالتفات الثعلب de se retourner comme le fait un renard رواه أحمد وحسنه الألباني ودون الحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع أو السبع نعم السبع عفوا كان النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit justement de nous affaler comme ça fait un fauve. فهذا الذي نأخذ اليوم ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك